بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجين أم أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. مورد كلمته. يعني أخذنا أمس يعني الدرس الثاني وهو كان يتعلق يعني بإيش؟ يعني c'était quoi le thème du cours numéro 2؟ ذلك. ذلك. On a pu voir que ذلك يعني c'est un اسم من أسماء الإشارة. تمام؟ ذلك يعني on a pu voir qu'il est مركب de combien؟ Il est composé de trois kalimas. La première. La deuxième. صح. La troisième. ذا لي كيفاش الخطاب كيف الخطاب يعني لو كيف دو ديسكور. تمام. on avait pu voir le ذا يعني on a pu voir ذا يعني c'était quoi la comment ça s'appelle تعريف ذا اسمه اشاره لي ال الاشاره اسم اشاره للمذكر للمذكر المتقرب للقريب. لا ذا ذكر المفرد القريب. لا لا للقريب ذكر المفرد مفرد بس اسم إشارة للمفرد المذكر بس هذا القريب. فوالا ليش ما ها يعني ساهمن لا بروكسيميتي. تمام. اي يعني ذا انا بي فوار كو على الكري. تمام. يعني حذفت الالف على الكريم. تمام. لماذا حذفت الألف؟ لما دخل ألم البعد يعني إيش سبب ذلك يعني حذف الألف. يعني كما نجي يعني الحذف هنا سي رسما سي على الكريم اي با لورال باسكو كون تو دي ذلك تو دي ذلك تو دي با ذلك ذلك ميمشي لي با على الكريم لورال لا رست. فذلك قلنا يعني حذفت رسما وبقيت لفظا يعني لورال اي توجور لا. ولم هنا كما نادي سي لم البعد. بعضهم يقولون دي نو سي با لم البعد. يقولون دي غابي يقولون دي نو نو نو با داكور افيك فو. ايوا لم سي يقولون دي لا فونكسيوناليتي دو لم سي نوتر شوز كو. ايوا مي جو رابل دو لم. نادي نو سي بور يعني تاكيد التنبيه. يقولون دي ان غرو لو ذلك لو لم هنا سارتي يقولون دي يعني سي اشد من هذا. C'est-à-dire que si jamais toi, مثلاً, هذا, c'est pour que la personne, lorsque tu utilises le ha, afin que yani, t'attires son attention sur la chose que tu veux lui démontrer. Ils disent, ça te suffit de dire ha pour que la personne soit attentive à ce que tu lui démontres. Ils disent, mais si jamais maintenant tu veux vraiment accentuer cela, tu utilises quoi? Dhalika. Yani, dhalika, c'est achad. Yani, tanbihan min hada, min al-ha. Pardon, ils ont dit ça, tu vois. Mais, Wallahu a'lam, yani. L'avis qui semble le prépondérant, c'est que l'âme, c'est l'âme al-ba'd. L'âme al-ba'd. Et comme on a pu voir, l'ha, tu peux l'utiliser pour quelqu'un qui a rafil ou pour quelqu'un qui est muntabé, lakin turid, yani tasdad yani intibar, comme on a pu voir. Fait hada al-qawl, yani, wa in qala ba'd al-ulama, yani min al-nuha, fa wallah alam, al-sahih anna huwa l'âme lil-ba'd. Hatta hum yusammunha, yani l'âme hadhi, yakoulun l'âme al-ba'd. C'est pas le lam, le ta'kid, le tanbi, yani le lam qui est utilisé pour accentuer la, yani, pour attirer l'attention. Non, il dit lam al-bard. Le truc, si on laisse comme ça, lam al-bard, c'est-à-dire que lorsqu'on l'utilise, c'est pour yani, démontrer une chose qui est distincte. Ou al-kaf, on avait dit les khitab. Khitab. Et qu'à dhalika, est-ce qu'on avait rajouté? Non, que le dhalika, si jamais tu veux, yani tu peux pas, à quel moment on peut utiliser le kaf, à quel moment yani l'âme, yani il peut pas venir tout seul, le kada kada. Vous vous rappelez? On avait évoqué ça. Yani dhalika. On avait dit quand il a fait étienne l'âme. Comme on a dit, la yajouz, étienne l'âme, illa bi étienne al-kaf ma. Illa bi étienne, donc bidoun étienne al-kaf ma yajouz. Tu peux pas dire dhali. Tu peux utiliser le kaf sans utiliser le l'âme. Et dans ce cas-là, Yanni, qu'est-ce que l'aura comme sens? Zaka. Voilà, Yanni, entre les deux. Ni une chose lointaine, ni une chose qui est proche. T'as vu? On avait vu quoi encore? Yanni, même pas Belfaïda, on a vu que Zak, c'est pas venu dans le Coran, mais c'était venu dans la Sunna. C'était venu dans la Sunna. Et Naham, Faïdan, Yanni, c'est quoi? Ça, c'est le tarif de Zalika, min haytou ash, douz iyati. Yanni. Lorsqu'on prend chacun de ces éléments, qu'on le décompose, yani c'est ça, le lam c'est kada, ou le kaf c'est kada. Lakin, lorsqu'on veut prendre du jus d'ensemble, c'est quoi le ta'arif de feu? C'est l'ism du shi'ara, hein? Le mukhrad, le mudhakkar, le ba'id, le khatib, le khitab. Et il a kana, le mukhatab, c'est celui qui est fait le discours. مذكرا مفرد تمام هذا هو اسم إشارة للمفرد المذكر البعيد إذا كان المخاطب مفردا مذكرا استديع أن تلتليز pour démontrer une chose que ce soit يعني عالم أو غير عالم تمام pour démontrer une chose qui est singulier du genre masculin ذلك cette chose là elle a une particularité c'est qu'elle est loin elle est lointaine et quand tu utilises Zalika, c'est pour lorsque tu démontres ces choses-là, tu la démontres à une personne qui est du genre masculin et singulier. Hein? Un homme est devant toi, tu veux lui montrer une mosquée qui est lointaine, tu dis Zalika al-Masjid. Ok, on avait dit Zalika, Zalika al-Masjid. Là, quand tu parles à qui, tu parles à qui, un homme. Ah, mais si c'est une femme, tu dis Zalika, ça c'est un lahm. C'est faux, c'est une erreur dans l'arabe. Tu vois? Tu dois utiliser le khitab, un autre khitab. Zalika, au lieu du kef avec la fatha, kasser, Zaliki. Al-Masjid. Parce que des fois, ça prête confusion à certaines personnes. Lorsque tu vas entrer dans Zaliki, maintenant, il croit que Zaliki, c'est pour démontrer une chose qui est féminine. Maintenant, il va dire Naam, Zaliki, Zaliki al-Warda. Tu dis pas Zaliki al-Warda. Parce que lorsqu'il y a le ki, yani, khalas, il pense que Kaf avec la fatha, c'est féminin, donc yani, il y a la possibilité de démontrer une chose qui est féminin. Non. Tu démontres une chose masculine, du genre masculin, à une personne qui est une femme, du sexe unique féminin. Il faut faire attention par rapport à ça. Tu dois attendre. Tilki, tilka. Si jamais, matalan, l'homme, tu montrerais un homme. Tilka al-Warda, matalan. Tilki et l'akhiri. Voilà. Donc, le darj numéro 2, on n'avait pas lu, on avait juste pris. Qala al-Mu'allif, waffaqahu Allah, al-Darj. الدرس الثاني ذلك ذلك ذلك سبق تعريفه وأنهم وظيفته هزي تفضل ما ذلك ذلك نجم تمام هذا مسجد سي لا تخيشون مثلا ما ذلك كيس كسي ذلك نجم سسيت من نيبال نعم هذا مسجد دو شكا ياسر هذي هذا مسجد وذلك بيت لماذا استخدم هذا وذلك هنا بقول لهم بدي بعدا وهذا بيت لأن لدي دو بيت كوتي نعم نعم خلوتي ولي بعدي المسجد المسجد اللي بروش ك البيت هذي بعدك هذا حصان وذلك حمار. نعم. Vas-y, traduis. Ceci est un cheval et ceci est un âne. نعم. بعدك. أذلك كلب؟ لا ذلك قط. Est-ce que ceci est un chien? Non. Ceci est un chat. Bardek. Allez. Il fait une intonation de les histoires pour les enfants. Non, c'est ça. Parce que là t'as le, tu vois, c'est une question. C'est une question. Faut mettre l'intonation. Vas-y, ça te donne. Mais Zalika. Zalika Sarirun. C'est. Qu'est-ce que là-bas? Qu'est-ce que là-bas? Ou qu'est-ce que c'est? Lorsque tu dis qu'est-ce que c'est, Yanni, dans l'arabe, tu dis Zalika, Yanni, il va comprendre que c'est. Ouais, t'as pas besoin de rajouter en français. Qu'est-ce que c'est? C'est Ali. Parce qu'en français, t'as pas le. T'as pas cette notion-là de montrer une chose pour le lointain. C'est pour ça. Man hada. Man hada. Man hada. Wa man zalika. Hada. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Bidoun mad. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Non, bidoun mad. Mudarrisun. مدرسون. أيوه. هذا مدرسون. نعم. وذلك إمام. نعم. ماذا؟ تا تخليكشون تخليكشون. Qu'est-ce que ceci et qu'est-ce que cela? Ceci est un professeur et cela est un imam. Vas-y. ما ذلك؟ ذلك حجر. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une pierre. هذا سكر وذلك لبن. شدد شوية. زين. هذا سكر. سكر. سكر. سكر عفوا. سكر. هذا سكر وذلك لبن. ceci est du sucre et cela du lait. تمام. بعدها قال يعني هذا يعني لكم تمرين قال اقرأ واكتب إن شاء الله بدنا نفهم. قالت قال الكلمات الجديدة يعني. Le nouveau vocabulaire. Imamun, imam. Pas besoin de. C'est celui qui préside, hein? Quel est le matin déjà dit? Tamam. Imam, c'est celui qui préside. Avec le hand en français, c'est imam. Pas de. Imam, imam. Hajarun, pierre, sukkarun, vous avez pu voir. Sucre, labanun, c'est. Voilà, beaucoup. Ouais, le pharmacé. Le halib. Mais j'utilise aussi ça pour ça, là-bas. تمام والدرس يعني الان درس ثاني هذا سي كومبري ان شاء الله اي تي سامبل تيكنيك سي جوست يعني لو بي سي دي فوكابولير تمام بس سينو اي تي سامبل قال وفقه الله الدرس الثالث الدرس الثالث يعني الثالث من السنه cette leçon là يعني ça va porter sur المعرفه والنكره المعرفه Monakara. Les choses qui sont définies et l'indéfinie. Les noms définis et les noms qui sont indéfinis. Faqala baytun al bayt. Dans l'arabe, lorsque tu veux définir, tu as plusieurs façons ou plusieurs moyens de définir une chose qui est indéfinie. Et parmi ces choses-là, comme on va le voir, le fait que tu fasses rentrer à la kalimat kanakara qui est indéfinie, elle. Lorsque tu la fais rentrer dans le mot qui est indéfini, yani fil nakara, tu fais rentrer elle. تمام ça va la rendre quoi défini تمام comme elle a dit là baytun al bayt une maison la maison kitabun al kitab un livre le livre qalamun al qalam un livre un stylo le stylo jamalun al jamal le chameau ou un chameau le chameau تمام donc comme on a dit le cours d'aujourd'hui c'est il va reposer sur al nakara wa al ma'rifa al nakara wa al ma'rifa nakara c'est l'indéfini donc marqué yani al dars al thalith j'ai pas écrit al nakara wa al ma'rifa al ma'rifa wa al nakara vous voyez al nakara donc l'indéfini al nakara wa kull ism dal 'ala ghayr muta'ayyin شائع في جنسه تمام يعني النكره ايش معناه لا ديفيني يعني في اللغه الفرنسيه هو كل اسم دال يعني شيء تو نو كي انديك une chose qui n'est pas forcément, qui n'est pas désigné. Tu vois? Par exemple, un. Voilà. Un bateau. C'est pas une chose. C'est quel bateau? Tu sais pas. Safina, toi. Safina. Safina, c'est quoi? C'est un bateau parmi les bateaux. شائع في جنسه يعني الانغلاب يعني c'est pas une chose qui est bien spécifiée dans son genre. مثلاً quand tu dis un bateau, c'est un bateau parmi tous les bateaux. Comment les bateaux là, il est pas bien précis. غير متعين, il est pas bien précis et il englobe يعني toute la le genre et l'espèce de sa catégorie. نعم. تمام. سفينة. سفينة. Est-ce que c'est un سفينة qui est grand, qui est petit, qui est large, qui est كذا? غير متعين. Et le fait que tu dis bateau, ça englobe toute la catégorie de bateau. C'est-à-dire un bateau moteur, un bateau qui est sans moteur, un bateau qui est cadin. Tous les genres de bateaux, ça englobe. Lorsque tu dis un bateau, ça englobe ça. Ça rentre dedans. Il n'est pas bien précis. Ismun dal, wa kull ismin dalin ala ghayr muta'ayyinin sha'i'un fi jinsihi. En gros, il ne désigne pas une chose bien précise et il englobe toute sa catégorie. Lorsque tu dis une maison, ou baytun, est-ce que c'est une bête qui est bien précise? Est-ce qu'elle est grande, elle a un toit, enfin, une maison s'oblige qu'elle a un toit. Est-ce qu'elle a 4 pièces, 5 pièces, 6 et la khiri, elle n'est pas mutahayyin. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle pas bien précise. Ce n'est pas été précisé comme elle est. Son, tu vois. Et non, mutahayyin. Et ça englobe tous les genres de maisons. Lorsque tu dis une maison, une maison. Sha'i'a. Sha'i'a, c'est ce qui est. Ouais, c'est ce que tu es en train de dire, c'est commun. C'est commun. C'est le même truc. Qui est commun à tout son genre. Tu vois. Lorsque tu dis Safina, c'est commun tout son genre. Safina parmi les Safina. Safina moteur, Safina sans moteur, Safina kata kata. Jinsi, c'est le genre. C'est le genre. En gros, c'est lorsque tu. On va voir avec Nakira. Maintenant, quand tu dis El Bait, c'est pas n'importe quel Bait. La maison. C'est une maison bien précise. Que toi et moi, on connaît. Quand je dis El Bait, il y en a une marouf. Maintenant, je dis Echir. Echir, quand on dit Echir, c'est qui? C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est bien désigné. C'est pas un chir parmi les machaïrs. Ça va? Parce que comme on va le voir, Inch'Allah, l'alif, enfin le L, il a plusieurs fonctionnalités, Inch'Allah, ça va venir plus tard. Mais maintenant, une chose qui s'appelle l'al-ahdiya. En fait, c'est une chose qui est déjà un qu'on connaît, qui est connue, tu vois. Qui est ma'ruf à indana, tu vois. C'est-à-dire que quand tu dis un chir, ma'ruf. Ça va? والمعرفة لا شو سكي ديفيني سي سون عكس هو كل هو كل نعم ولي ما دل على متعين لا بس وزي باوزن خرجت ايسي تمام والمعرفة ما دل على متعين سي بون المعرفة ما دل على متعين اون شوز كي بيان بريسيز دل سي انديكي ما سي سو كي دل على متعين سي بون تمام المؤلف هنا pour désigner la chose يعني qui est indéfinie il a utilisé elle تمام il a utilisé elle faut savoir que lorsque tu veux désigner une chose tu veux la rendre définie tu veux bien la préciser tu peux l'utiliser يعني beaucoup de dans l'arabe tu as beaucoup de moyens pour يعني désigner une chose bien particulière et parmi ces choses là يعني elle تمام هنا يعني ايش اسمه المعارف يعني les choses par laquelle tu définis une chose. Ils sont nombreux de 7 dans l'arabe, dans la langue arabe. Et parmi les choses qu'on va le voir aujourd'hui, c'est elle. Le cours d'aujourd'hui, c'est elle. Ça veut dire que là, il faut vous mettre dans la tête. Lorsque tu veux définir une chose, tu peux la définir par elle ou autre chose. C'est pas juste elle. Parce que la personne peut comprendre que lorsque tu veux définir une chose, c'est elle. Toute chose qui est nakira, qui est indéfinie, tu veux la rendre définie, tu es obligé d'utiliser elle. Non, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qu'on va le voir, Inch'Allah. Ça va venir, j'ai vu, elle l'a dit, ou ces choses-là, Inch'Allah, c'est des choses qui font, qui rendent la chose qui est nakira, qui est indéfinie, définie. Donc parmi ces choses, c'est pour ça que j'ai mis après, t'as vu, wal ma'arif, sab'atu anwa', t'as vu, j'ai mis là, wal ma'arif, sab'atu anwa'. Et les choses par lesquelles tu définis une chose qui est indéfinie, sont au nombre, ou sont de 7 catégories. T'as vu, qu'est-ce que tu as? والمعارف سبعة أنواع ومنها المعرف بال. Donc les choses par lesquelles tu désignes une chose sont au nombre de 7 ou sont de 7 catégories. Et parmi ces choses là, le fait que tu définisses une chose par elle. ou bien la chose qui est définie par elle. Al-Mu'arraf, c'est la chose qui est désignée, la chose qui s'est fait connaître. Al-Mu'arraf, ça vient de Ma'rifa. Ça vient de Arrafa. Arrafa. Arrafa, c'est que tu fasses connaître une chose. Arrafa, ta'arif, arrafa, yu'arrifu. Et tu fais connaître. Ta'arifan, mu'arrif, c'est celui qui fait connaître. Mu'arraf, c'est la chose qui a été connue. Mu'arraf. Bi'al. Tamam. Certains disent, tu dis alif lam. Al-mu'arraf, alif lam. Alif wa lam. Au sahih, tu dis pas alif wa lam. Tu dis el. Pourquoi? Parce que c'est un harf. Le harf, yani ma yu'arraf bi yanish juz'iyatihi. Le harf, tu l'appelles pas par ses composants. El, مثلا min. Pour dire ani dhahaba min al-bayt min al-bayt ila al-masjid. Lorsque tu dis مثلا tu vas faire l'i'rab de ce truc min, tu dis pas am wa nun. Tu vois? Ou tu dis pas al-alif wa lam. Tu vois? Ou an tu dis pas le an wa al-ismu al-ayn wa al-an wa nun. Hein? Al-i'rab, c'est analyse grammaticale, je sais pas comment on dit ça. T'as même? Bah là, c'est la même chose, elle. Elle, tu dis pas alif ou alam. T'as même? Tu dis pas ça. Tu dis elle. Alors, sahih. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis min, tu dis pas min ou non. Aïn ou non. Donc pourquoi, yani, dans certains huruf, yani, on désigne d'une manière et dans d'autres, yani, on désigne d'une autre chose. Là. Pour eux, ils disent pour les hurufs. Amal l'asma, ils disent, yani, l'asma, yani, tu harifa kama hiya. Yani, tu te prononces comme asma. Amal l'huruf, qu'est-ce que c'est? Ma et a. Non, c'est un isme. Ma. Ma raja'a. Ma. Intabe, isme stifham. Istifham. Tamam. Mathan, tu vas dire, hel. Yani, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que c'est? Min al-huruf al-istifhamia. Hel. Tu dis, hel al-istifhamia. Tu dis pas, al-ha wa lam al-istifhamia. Donc là, c'est la même chose, tamam? Elle. Donc, اكتبوا هذا. اكتبوا هذا. C'est que là, yuqal. Donc une petite flèche à la suite. Là, yuqal. Al-alif wal-lam. لأن الحروف لا تعرف بجزئيتها. Ni par leurs éléments, par leurs composants. Par la huruf. Ou bi hurufiha. On va dire ça. Juz'iyyatiha. Fakama la yuqal li min al mim wa nun. Fakazalika la yuqal fi al alif al alif wal lam. Bi juz'iyyatiha. Ba, jim, zay, hamza avec le support. Ya, ta, ha. Fakama la yuqal li min al mim wa nun. فكما لا يقال لمن الميم والنون فكذلك لا يقال في ال الالف واللام tout simplement. Allez, octobre. Donc c'est un khata. Tu dis pas الالف واللام الداخلة على الناكرة. خطأ. الال الداخلة على الناكرة. قل بفضل الله وبآياته فبذلك فالإسلام هنا الإسلام قل بفضل الله القرآن يسابسها بس الإسلام كل الإسلام جامع قل بفضل الله وبرحمته والله أعلم الرحمة يسيس الجنة اكتبوا موجب أخذك سوف أخذها الرحمة سيكون يتلز aussi ذلك pour la chose qui est vénérée. Tellement elle est immense. Et là, c'est un argument qu'ils ont évoqué. Ils se disent pourquoi ça n'a pas été dit هذا الكتاب. Ils disent ذلك لأنه معظم. C'est une chose qui a été vénérée. D'autres, ils ont dit parce que c'est une chose qui n'est pas visible, mais qui est connue dans nos adhan. Et la chose qui n'est pas connue, qu'on ne voit pas, parce que normalement, quand tu démontres une chose, tu démontres une chose que tu vois. Tu vois? On avait vu aussi qu'on pouvait démontrer une chose qui est hissée. Ouais. Naam. Lakin, lorsque c'est une chose, parce que maintenant, Al-Kitab, c'est une chose que tu peux voir. Ça. Mais là, tu peux pas le voir. Amal Fikr, c'est un truc que tu peux jamais voir. Tu vois. Lakin, lorsque une chose que tu peux voir, qu'elle est invisible, en fait, tu la vois pas, et qu'elle est connue dans ta tête, ils disent tu utilises Dalika. Tu vois. Il y en a, il t'a allé là-dessus, il y a beaucoup de justificatifs. Ah, Kassir. C'est bon, c'est écrit. Prenez la définition du mu'arraf bil al. Ta'rif al mu'arraf bi al. Donc on prend la définition du mot qui est défini par le harf al. Faydan, c'est quoi la définition du mot qui est défini par al? Dit huwa kullu wa kullu ismin dakhalat alayhi al wa afadat hu at-ta'rif ba'da an kana نكرة. وكل اسم وكل اسم دخلت عليه ال وافادته التعريف بعد ان كان نكرة. خلاص هذا هو. وذا فهمتم؟ ايش فهمتم؟ تعريف للمعرفة. C'est la définition de Afad, c'est quoi? Hein? Afad. En fait, Al-Mu'arraf bi-Al. C'est tout nom qui rentre l'Aliflam. Tout ce qui est défini par l'Al, par l'Ifwallam, bi-Al. Là, on a la définition du Ma'arifa. Du Mu'arraf bi-Al. Parce que le Ma'arifa, on a déjà vu. Sabata Anwa. Sabata. Tu vois? Al-Mu'arraf bi-Al. Celui qui est défini par l'Al. Quelle est sa définition? Parce que quand tu dis al-ma'rifa, al-ma'rifa ça peut être bien al-ma'rifa bi-ash, bi-damir, bi-al, bi-l-idafa, bi-al-ism al-mawsoul, bi-asma al-ishara. Ani asha kathira, biha tu'arraf al-ism. Lakin celui qu'on veut aujourd'hui, ou celui qui est le. Comment ça peut dans la leçon? On veut le mu'arraf bi-al. Tamam? Al-mu'arraf bi-al c'est quoi? C'est celui, yani c'est tout nom. Dakhalat alayhi al. Ton nom donc? Qui est entré dedans? Al. Donc qu'est-ce que tu comprends? Il ne peut pas avoir une chose qui est mu'arraf et c'est un harf. Elle, il ne peut pas rentrer dans un harf. Donc, mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Wa afadatu at-ta'rif. Afadatu, yani, ça lui a donné le profit. Ou elle a donné le statut. Afada, yani fada. Mufid. Elle lui a donné le statut d'une chose qui est définie après qu'elle était indéfinie. T'as vous compris? Ça lui a donné le statut de défini après qu'il était indéfini. Donc ça veut dire que l'al, celui qu'on utilise, yani yu'arraf bihi l'ashya, pour qu'on dise que ce chose-là maintenant est défini, il rentre dans l'ism qui est avant awalan nakira. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu dis al-hasan, al-hasan c'est quoi? C'est un prénom. Al-hasan. Est-ce que lorsque tu dis al-hasan, ça veut dire qu'avant le nom était nakira, là? Vous avez compris ou pas? D'accord. Mais c'est juste pour appuyer. Non, parce que tu as des choses, mathalane, al-alif, il rentre dans l'ism, mais ce n'est pas alif al-ta'rif. Ce n'est pas, je veux dire, al-ta'rif, c'est al-zaïda. Mathalane, al-al dans Hassan, c'est zaïda. Par exemple, al-alif. Hach? Al-azani. T'as pas compris? Non, parce que tu utilises des mots en arabe et je ne les connais pas déjà. Chouf, al-an, pourquoi j'ai dit, elle lui a donné le statut de nom défini après qu'il était indéfini. Ouais. C'est pour te dire que al-al, tu vois, celui avec la chose, avec lequel on définit les choses, elle, ouais. Celui qui a défini les choses, il doit rentrer avant tout dans un nom qui a été indéfini. Baytun, el bayt. Baytun, nakira. Al-Hassan, tu ne peux pas dire al-Hassan. Non, maintenant, al-Hassan, on ne va pas dire qu'on a rentré el dans Hassan, alors qu'avant, Hassan, il était indéfini. Non, non. Al-Hassan, c'est un nom. Lorsque tu dis Hassan, c'est al-Hassan. Alors, ce n'est pas pour les prénoms, el. Tu ne mets jamais son prénom. Si, tu peux le rentrer dedans. Mais après ça s'appelle El Zaïda et ça c'est El Ta'rif. Deux choses différentes. Pourquoi? Parce que El qui est rentré dans El Hassan, ça lui a pas rapporté le statut de défini, parce qu'il est, il est déjà défini. Ouais, ouais, c'est quoi le farq alors? Ah, il est défini comme ça. Les deux sont définis. Les deux sont des prénoms. Que tu dises Hassan, c'est quelqu'un qui est bien connu. Donc Al-Hassan, c'est un autre c'est un prénom. Fonction. Le alif lam dans Al-Hassan. Al-Zaïda. Zaïda, mais dans quel sens? Zaïda. C'est un plus. C'est un plus. Al-Hassan, ça apporte pas un sens, ça apporte rien comme sens. Tu vois? Ça apporte rien, ça apporte aucun sens. Al-Zaïda. Ça a été rajouté. Tu peux pas dire que Al-Huna, c'est H, Al-Ta'rif. Si jamais tu dis c'est Al-Ta'rif, ma'na dhalika. Son nom, c'est-à-dire que cette personne-là, elle était connue, elle est connue, et avant elle était inconnue. C'est ça que ça veut dire. Parce que maintenant tu dis Bayton. Ayu Bayt. On ne sait pas c'est laquelle. Lorsque tu dis El Bayt, Ma'rouf. El Bayt qui est connu entre nous. Tu dis El Hassan, c'est-à-dire que si jamais tu as rentré El Al, c'est-à-dire que cette personne-là, elle était inconnue avant qu'elle ait connu. Là. Son nom, c'est son nom. Parce que El Alam, c'est parmi les catégories, il y a des choses qui sont définies. Lorsque tu dis, Mathalan, Zubair, c'est bien connu, c'est une personne bien précise. Comme on a pu voir, Al-Ma'rifa, c'est la chose qui est précisée, désignée. Mais celui qu'on avait un doute sur son nom, on savait pas son nom. Tu demandes tu... Et qu'après ? Non, ça n'a rien à voir. Parce que là, tu as un doute sur son nom. Mais lui, il est bien connu. Ahada Hassan. Ahada Hassan. Le doute, il n'est pas sur lui, est-ce qu'il est connu ou pas inconnu ? C'est toi qui ne le connais pas. T'as bien ? Nous, on parle, de la charsiya, la personne en elle-même. Quand tu dis, dans l'arabe, le nom, lorsqu'il est utilisé, c'est pour désigner une personne qui est bien précise. Donc ça, c'est les raïs. Que après toi, tu le connais, tu ne le connais pas, ça revient à toi. Donc ça, c'est les raïs. Okay. Non. De quoi ça? Les raïs. Qu'est-ce que le raïs? C'est-à-dire pour quelqu'un de prénom, on ne peut pas mettre. Al-alam. Al-alam. Eh, parce que ça, c'est une catégorie parmi les catégories des choses définies. Al-alam, c'est une catégorie aussi, kazalika. T'en as 7 comme on a pu le voir. Al, c'en est une. Al-Mu'arraf bi-Al. Al-Alam, c'en est une. Al-Idafa, c'en est une. Al-Damir, c'en est une. Al-Asma al-Ishara, c'en est une autre. Ou Al-Asma al-Mawsoula, c'en est une autre. Et l'akhir. Donc, c'est une catégorie parmi nous. Si vous avez compris, Hada, c'est ça la base du Dars. T'as pas compris? Non, tu parles pas sans avoir compris. Non, c'est les mots, akhir. Je parle en français là maintenant. Ta'rif, Al-Mu'arraf bi-Al. Le fait, c'est quoi la définition de la chose qui est définie par elle. Baytun al bayt. Ce mot-là, là, quand tu dis al bayt, c'est comment tu l'appelles dans l'arabe, c'est sa définition qu'on va la donner là. Huwa kullu ismin. C'est ton nom. Donc ton nom, c'est quoi? Ça rend pas harf. Donc ton nom. Dakhalat alayhi al. Ton nom dont. Le al, il est rentré dedans. Baytun al bayt. Al, il est rentré dans celui-là. Tamam. Ça, c'est un pilier. Il faut que ça soit un nom. Et que elle y soit rentrée dans ce monde. Deuxième chose, wa afadatu. Yani ce elle là, elle, tamam. Le fa'il de afadatu, c'est ça, c'est elle. Wa afadatu at-ta'rif, yani elle, il lui a donné le statut d'une chose qui est désignée, d'une chose qui est définie, ba'da an kana nakara. Après qu'elle était indéfinie. Quand tu dis baytun, c'est une chose qui est quoi? Définie ou indéfinie? Indéfinie. Tu as rentré elle, tu dis elle bayt. Tamam, en parlant مثلا on va dire el masjid, en parlant masjid al haram. Tamam, le fait que tu rentres alif wa lam, tu dis masjidun, ça peut être masjid al aqsa, ça peut être masjid al haram, ça peut être masjid al fath, ça peut être masjid ahl al sunna fi al dammaj, ça peut être kada wa kada wa kada wa kada, tamam. Mais lorsque tu dis مثلا el masjid, celui qui est ma'rouf, en disant comment s'appelle masjid al haram, khalas. C'est-à-dire que là masjidun il était nakara, tu as rentré el, tu as donné le statut qui est quoi défini. Et c'est quoi qui est voulu ici? Masjid al haram. Tamam. Parce que si jamais tu comprends ça là, elle lui donne le statut des définis après qu'elle était indéfinie, tu vas pouvoir faire la différence entre El Hassan ou El Bayt. Tu vas dire El Hassan, El Hassan, El Hussein. El Hussein ou El Bayt. El Bayt, ça on peut dire quoi? Mu'arraf bil al. Ama El Hassan ou El Hussein, tu peux pas dire El Mu'arraf bil al. Pourquoi? Parce que c'est un alam, il est déjà mu'arraf. C'est-à-dire que l'al ici, c'est pas la même fonction que l'al qu'il y a dans quoi? Dans le Bayt. Parce que Al-Bayt, le Al qui est entré dans le Bayt, il est venu lui donner quoi? Le statut de défini. Ama Al-Al qui est dans Al-Hussein, il n'est pas venu pour lui rendre son statut de défini, parce qu'il est déjà défini. Al-Alam, tu vois? Mais. C'est juste pour le désigner. C'est juste, il y en a en gros, c'est une Zaïda. Ils appellent ça Alif Zaïda. Il y en a Al-Al Zaïda. En français, ça voudrait dire quoi? Zaïda, c'est en plus. Ah ouais. Il a été mis là en plus. Pour donner un nom, Al-Hussein. Pourquoi Al? Ils l'ont appelé comme ça. Ça ne lui a pas donné le statut de défini. Al-Hussein définit, définit. Parce que si jamais. C'est que pour les. Enfin, les. Pour les noms communs. Les... Non, ça n'a plusieurs trucs. Pour les alim, c'est que pour les alim. Pour l'alam. L'alam. Pour d'autres. Toi, c'est simple. Toi, prends cette qaïda. Non, c'est pas ça. Prends cette qaïda là. Si tu comprends cette qaïda là, tu vas la comprendre. Ça va être fait. Si jamais l'al, il rentre et donne le statut de défini après indéfini, tu dis al al-muharraf. Al al-muharraf bil-al. Si il rentre dans al et donne pas le statut de défini, c'est zaïd. Ou t'estarih, tamam. Ouais, les noms propres, ils sont définis. Ouais, donc tu peux pas, hein, tu peux pas dire que le L lui a rajouté. Non. Tamam. Et n'am. Il manque l'ahkam. Donc le hukm, le jugement du ma'arraf bi al, c'est qu'il prend pas de tanwin. Annahu la yunawwan. Il prend pas de tanwin. Hein? Pour tout, il s'arrête à où, sauf les prénoms. Il prend pas de tanwin. Tu veux pas dire al-baytun. C'est quoi le tanwin? Non, ça peut être i, c'est pas ou. Tanwin. Ce qui peut être fait fil bayti. C'est ça, ouais. An al-bayta. À la kulli hal, tanwin c'est ce qui est doublé. La kasra, kasratayn, fathatayn, tamam, wa dammatayn. Il prend pas de tanwin, c'est-à-dire qu'il prend pas le doublement là. Non sakina. La yunawwan. C'est-à-dire quoi? Il prend pas de tanwin à la fin. Ou kul, yani, la yaqbal al-tanwin. لكن لا ينون يعني تو ميم با تنوين رفع تمام فاسون سون حكم متى وجد الالف او الجمع الال شو با دير البيتون tous les noms propres ils prennent du tanwin لا pas forcément c'est pas tous les noms propres il y a des exceptions الحسن يعني pas تنوين مثلا تجي حمزه c'est pas حمزتون حمزتو on va voir parce qu'il est ممنوع من الصرف c'est pas tous les prénoms مثلا محمد tu vois ça il faut bien c'est pas une règle et tout ce qui se finit par un tanwin c'est nakira là محمد c'est pas nakira tamam c'est dû à quoi ça parce que c'est un alam et tous les prénoms c'est pour ça que lorsque toi à partir du moment que tu connais yani toutes les catégories de muharraf tout ce qui est défini خلاص en dehors de ça c'est indéfini tamam c'est à dire que lorsque مثلا tu vois محمد tu vas pas être chamboulé tu vas dire ah il y a un tanwin et محمد c'est un je le connais comment il peut être indéfini non el alam même s'il prend une tenue à la fin, ça fait partie des définis. Des définis. Pourquoi? C'est parce que c'est un prénom. Mais pourquoi ça, je veux dire, moi, c'est pas ça que je... Pourquoi ils ont mis un à la fin, Mohamed un? Parce qu'il y a une fonction, tu vois. Hakada. Wajadou hakada ou anatako? Eux, c'est pas, ils ont fait des qa'ida, ensuite ils ont parlé. Les qa'ida, yani, le parler, ils sont venus, et eux, par rapport au parler, ils ont déduit les règles. C'est comme moi je vais dire cœur. Pourquoi tu mets le cœur? Pourquoi on met un O? On dit cœur. Pourquoi on met pas un... Tu sais comment c'est écrit le cœur? Pourquoi on met un O? C'est comme ça. C'est... Il y a des choses, c'est Samari. Hakazaja. Tamam? Samari. C'est venu comme ça. Et après, ils sont venus. Ils ont fait des déductions pour faciliter à ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Sinon, eux, ils ne se posaient pas des questions comme ça. Mohammedon, Mohammedon. Alors, on m'a dit, il n'y avait pas des harakat et tout ça. Non, il n'y avait même pas de ya, les deux points qui en dessous, il n'y avait pas. Comment ils disent? C'est le niveau d'arabe. Déjà, le Coran, ils étaient fils sadr. Ah, c'était fils sadr. Donc, ça, c'est le dernier. Donc, faites attention à cette qaïda-là. Il y en a certains, moi, je me rappelle, dans les thèmes de Médine, ils disent tout ce qui se finit par une tanwin, c'est nakira. Ça, c'est faux. C'est pas totalement faux, mais il y a des exceptions. Mohammedun, Hassanun, Kadar. C'est des prénoms. Ouais, mais c'est, eux disent tout ce qui se finit par un tanwin, mais moi je prends ce cours là. Ils me disent tout ce qui se finit par un tanwin c'est nakira. Faux. Je vais tomber sur Mohammed, je vais dire, hey, ya Mohammedou. C'est attends, un problème. Il va dire, non, il y a un problème, tu vois. Comment Mohammedou, il se finit par un tanwin, lui je le connais, c'est défini. Tu vois. C'est pas tout. C'est pour ça, il faut pas l'écrire ce truc là. C'est pas une qaïda. C'est pas une qaïda. Une qaïda, c'est les shurut de la qaïda, c'est que tout ce qui en découle, il faut que ça soit. Il ne faut pas qu'elle souffre d'exception. Lorsque tu donnes un qaïda, tout ce qui en découle, il faut que ce soit général. À l'exception de quelques petits points. Tu vois. Soit c'est général, ou bien des petites exceptions. Maintenant, si jamais il y a beaucoup d'exceptions, c'est plus une qaïda. C'est plus une qaïda. Tu ne peux plus faire une qaïda. Parce que à chaque fois que tu veux dire une chose, boum, contradiction. Donc, c'est pas une qaïda, non, c'est pas une qaïda. Que tout ce qui se finit par tanwin, c'est nakira, ça, c'est faux. C'est faux. La qaïda en elle-même, elle est fausse. Vas-y, tamam, lisez. On lit. Al-qalamu maqsourun. Ech ma'na hada? Le stylo est cassé. Tamam. Ba'dak? Al-babu maftouhun. Ça veut dire quoi? La porte ouverte. Ah. Bardak. Vas-y. À toi. À toi. Mais il n'y a plus rien après. Je crois. Hein. Al-Waladou Jalisou. Hein? Al-Waladou Jalisou. Al-Waladou Jalisou. Quoi? Al-Waladou Jalisou. Al-Waladou Jalisou. Al-Mudarrisou. Al-Mudarrisou. Wa qif. Litou. Hein? Je tourne la harakat. Al-Waladou جالس سن خلي خلي خلي ها والمدرس والمدرس مد دي مدرس مدرس مدرس مدرس سان شده دون ريتو مدرس مدرس مدرس فوالا تي من شده سو الراء توت لي جي كوم لا دي سو الراء الراء تشدد المدرس المدرس تمام والمدرس واقف واقف واقف مثل مودول امبورطون امبورطون باسكو مثلا لا سي جامي تي فالي ابخوم دون قران Tu ne mets pas le mad, c'est khater. Et surtout dans le début. Ah ouais, c'est-à-dire que tu vas prendre avec khata. Et la khata va s'imprimer dans ton cerveau. Après, pour l'enlever, Allah y a rien. Il faut que tu écoutes beaucoup de cassettes. Le fait que tu as, ou bien tu la répètes jusqu'à que ta langue, khalas. Allez, Delhi, elle ne peut plus faire cette khata-là. Mais si jamais tu ne fais pas attention au mot d'autre, surtout dans la lecture du Coran, c'est l'apprentissage surtout. Et non. تمام ايش معنى هذا سيدي الاخوه الولد جالس والمدرس واقف سيدي الاخوه الولد جالس والمدرس واقف سيدي الاخوه الولد l'enfant est assis est assis نعم et le mudarris est debout est debout تمام الولد جالس pourquoi جالس parce que c'est l'enfant qui est assis ah ouais. et l'enfant comme il est défini ah ouais. le verbe du est-ce que là c'est une sifa on va le voir inchallah C'est pas une sifa. Là, en fait, là, c'est un mubtada. C'est mubtada et khabar. Ou le khabar. On va venir. Non, non. C'est pour ça. Tu as posé la question. D'accord. Dès que tu as commencé à dire mubtada, c'est bon. Mubtada ou khabar. Vas-y, Barda. Vas-y, lis-y encore, c'est à toi. Al-kitabu jadidun. Wal-qalamu qadimun. Vas-y, ça veut dire quoi tout ça ? Le livre est neuf. Non. Et le stylo est vieux. Tamam. Et ancien. Vas-y, lis. Je vois même pas quel coup. Non. Non, ici, c'est là. C'est quoi ça ? Al-Hajar. Là, elle. Al-Himar. Al-Himar. Al-Himaru sagirun. Wal-Hisanu kabirun. C'est-à-dire quoi ? L'âne est petit. Et le cheval est grand. Al-Kursiyu maksour. Maksourun. مكسور توت الحركه كرسي مكسور ايوه لا شيء كاسي نعم بعدك تعالي المنديل واسخ مي المنديل المنديل المنديل المنديل المنديل واسخ نعم المشوار المشوار يسال نعم الماء بارد تمام لو يفتح ابخه لو 6 القمر جميل جميل جميل جميل جميل ها جميل سكو القمر لا لوني بل نعم البيت قريب والمسجد بعيد ايوا لا ميزون اي بروش اي لا موسكي اي لوا مونتين الحجر ثقيل والورق خفيف Taqir, tout court, non Taqir, l'oud. Tous comme ça, un. Vas-y. Ah ouais, mais les à toi. La pierre est lourde, la feuille est légère. Non. Et la feuille est légère. Et la feuille est légère. À toi. Al-Labanu Harun. Harun. Harun. Le lait est piquant, c'est non. ça Le lait est piquant. Il est chaud. Tu bois ton lait du business Vas-y, Bardek. Al-Qamisu Nadif. Elle Al-Qamisu Nadif. Non. Le Qamis. Ouais. Non, elle est propre. Le propre. Donc après, on va voir les exercices, on va revenir sur la fin, tamam. Iqra, On va s'arrêter avec les majadida, tamam. Qala, waffaqahu Allah. Et ensuite, on va revenir sur l'exercice qu'il y a donné, tamam. Al-Kalimatu, il y en a dans le carré, dans le rectangle. On l'a dit Non, je vais vous le dire. الكلمة Al-Jadida, Al-Qamar, la lune. On l'a l'air comme ça, ça va. Jadidun Naf, Khadimun, ancien. Wasikhun, sale. Navrifun, Diddo. Ça c'est bien. Et maintenant tu mets un mot et tu mets son opposé à côté. Comme ça tu le connais, tu vois. C'est quoi l'opposé de Qamar? Il n'y a pas. Harun, baridun, chaud et froid. Sagirun, kabirun, petit et grand. Maftouhun, maksourun. Il n'a pas mis le poste de maftouh. Mughallaq. Mughallaq. Mughallaq. Thaqilun, khafifun. Lourd et léger. Jamilun, waqifun. Le contraire de jamil, qabih. Jamila, qabih, qa, bil qaf, qa, ba, yam. جميل قبيح ساسيب من باب ال تمام يا با مي سي بيان دو ان مو تو كوني سون اوبوزي سي بيان تمام واقف جالس دبو اسي لي دووار دونك لو بروميير اكزرسيس هان باج 13 باج باج تي باكري باج بو نعم واش 21 سي اقرا واكتب على كل حال يعني كون ابري جو دير لا لوسون نيميرو 2 عفوا الدرس الثاني تمام اقرا تو دوموند دو لير اي ديكري دونك tu lis et t'écris tu lis et t'écris et t'écris toutes les harakat toutes les harakat t'écris pas comme l'écrit non mais tu les écris parce que là الان هذا tu sais comment ça s'écrit هذا ذلك tu sais comment ça s'écrit la banane tu sais comment ça s'écrit c'est pour ça qu'il l'a enlevé et nous on va faire la même chose moi les soukoun tout ça j'arrive pas trop à rien non non parce que au fait la kalima à partir du moment où tu l'as apprise خلاص Tu sais comment s'écrit Labanoun. Labanoun. Tu l'as en tête. Tu sais comment s'écrit. Si tu ne sais pas, c'est que tu as oublié. Tu ne connais pas le mot. C'est chaud comme ou tu l'as appris et tu l'as oublié. C'est bizarre. Labanoun, quand tu l'épelles, c'est comme quand tu la prononces. Hein? Labanoun. Ensuite, l'exercice numéro 1 de la leçon numéro 3. Ouais. C'est bien d'écrire en soi. Maintenant, le truc que tu comprends. Là, parce que maintenant, adopte. Vas-y, vous êtes dessus. Il dit Iqra waktub. Lis, écrit. Ou écrit et lis. Non, lis, écrit. Maha dabti awakhiri al-kalimat. Il nous dit tu lis et tu écris en mettant dabt, en ajustant les bonnes harakats à la fin des kalimat. C'est bon Masjidou, masjid, al-masjid. Est-ce que c'est le masjidoun, al-masjidou, al-kulhal? Non, amadin, dun, dan. Nous, on est toujours en ou là pour l'instant. Mais est-ce que c'est dammatayn? Ou est-ce que c'est Dhamma? Tamam. Ensuite, il dit quoi? Iqra waktub, l'exercice numéro 2. Pareil. Tu lis, tu écris. Pareil. Avec toutes les harakas, on veut toutes les harakas. Deuxième exercice. Leçon numéro 3. Le troisième exercice. Imla al-faraqa fi ma yali bi wad' al-kalimati al-munasabati. Al-faraqa. Al-faraqa. C'est l'espace. Imla. Moi, je vous conseille de mettre les harakas. Hein. Où ça? Sur les exercices. Tout ce qui te demande à l'exercice. Et de noter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, pour vous, c'est du vocabulaire. Si, Iqra, il vous dit quoi? Imla. Annie, rempli. Fima yali. Al-farar, l'espace vide. Fima yali. Annie, ce qui en suit. Tu remplis l'espace qui en suit la kalima qui est écrit là. Bi wad'il kalimatil munasibati, munasabati. En posant, en écrivant, le mot qui est approprié. Tu mets le mot qui est approprié. Minal kalimati at-taliya. Des kalimats qui suivent, qui sont en dessous là. Munasiba, qui sont appropriés. Donc là, par exemple. Il nous demande, al-hajara, il faut que tu mettes parmi ce qui t'a donné comme mot, comme il a dit, mon al-kalimati at-taliya. Yani les kalimats, les mots qui suivent en dessous là. Jamilun, wasikhun, kada, kada, tout ce qui est en dessous. Tu les dois les prendre et les mettre dans les endroits qui sont appropriés. Fais une tome. C'est ça. On met les mots qui sont là qu'on aura lu avant, les mains en dessous. Non, tu les écris. Pas d'écrit sur le tome, je vois rien sur le tome. Attends, je vois rien sur le tome. Tamam. L'exercice numéro 4, c'est la même chose. Tamam. Imla al-farar fi ma yali bi wad' al-kalimat al-munasaba. Maintenant, nazifun. C'est quoi qui est nazif? Tu mets ce que tu veux. Tu vois ce que tu veux. Ayo. C'est ça, on remplit avec les mots qui sont là. Ah, on est d'accord. Là, là, là, là, là, là. Hein? Toi, ton truc, il est. Il est narques. Quand tu veux me voir, on ne sait pas lire. Il y en a qui sont. Parce que dans les autres, ils leur donnent là des mots. Il y a des mots ici. Voilà. Moi, je serais revenu, j'aurais une punition. Okay. Ouais. Donc, toi, hein, non, mais il sait que t'es un bon joueur. Donc, il dit en gros, tu choisis les mots. Tu choisis les mots. Tu vois, là, c'est la même chose. Subhanak wa ta'ala. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي